Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Septième partie. Le labyrinthe des hypostases. Le peuple semble être un point de départ qui accepte la finitude. Il naît en effet contre une tradition dans laquelle Dieu désigne le souverain, là où le peuple n'est pas constitué par Dieu mais se compose d'une pluralité d'individus singuliers qui se distinguent les uns des autres par leurs intérêts, leurs passions, leurs opinions, leurs volontés. Le peuple est en somme une multiplicité. Mais ce n'est pas le cas du peuple de Rousseau, encore moins de celui de Robespierre et Saint-Just. Pour eux, le peuple est le souverain, une personne et non une multiplicité de personnes. Le peuple est un, comme le souverain de droit divin. Il est lui-même divin, puisqu'il possède tous les attributs que la théologie accorde à la divinité, il est tout ce qu'il doit être, causa sui. Étant pleinement libre, puisqu'il n'existe rien en dehors de lui, sa loi est, de façon tautologique, une juste volonté. L'être et le devoir-être sont en lui identiques, ce qui résout ainsi sur le plan mondain l'épineux problème de la théodicée. Il est le bien suprême, car, libéré de la corruption et de l'artificialité d'un pouvoir qui niait sa souveraineté, il fait coïncider liberté et vertu. Ce peuple, devenu majuscule, parle alors le langage de la nature, qui, chez l'homme, ne fait qu'un avec la raison. La morale n'est donc que la nature enfin recouvrée après des siècles d'aliénation. Le prix à payer est toujours le même. Pour que la volonté générale soit, la volonté de tous doit coïncider avec elle, donc disparaître, les, tout, doivent vouloir à l'unisson, se transformer en tout. Là où l'unanimité n'est pas, on soupçonne la corruption. Le péché de dissidence devient l'équivalent du péché d'orgueil contre Dieu, péché impardonnable par excellence. Camus vise juste, dans la logique de la volonté générale, le point de vue n'est pas seulement un crime, c'est un blasphème. C'est un crime justement parce que c'est un blasphème. La volonté générale doit donc générer une épuration permanente pour faire advenir la vertu. L'unique s'appelle alors peuple, et élimine les désirs autonomes. Camus décèle donc une dimension fasciste dans la volonté générale, dont l'héritage va de Rousseau à Lénine. Le peuple en implique un seul chef, une seule voix. Pour que parle la volonté générale, le multiple empirique est fini, les hommes comme individus doivent se taire. Voyons ainsi les foules plébiscitaires, où l'acclamation collective exprime le silence de chacun, où l'oubli de l'opinion résonne dans la cadence rythmée des mots d'ordre. Bref, réaliser le genre humain signifie opprimer les hommes en tant qu'individus, supprimer les désirs concrets qui refusent de s'identifier à leur propre hypostase. Tirons les fils de ce raisonnement, un air de famille rapproche ces philosophies de l'hypostase, très différentes les unes des autres, qui sont contraintes par leur logique même à sacrifier les hommes qui existent concrètement. C'est ainsi que l'individu se perd dans l'espèce et dans le devenir, lorsque s'opère le renversement nietzschéen de la révolte en amor fati. C'est ainsi qu'il faut lire la sociolatrie d'Auguste Comte où le genre humain qui doit naître, réconcilié, c'est-à-dire libéré des maux du conflit, à la fin du processus révolutionnaire. Mais la logique de l'hypostase souffre d'irréductibles antinomies. Prenons le cas de la révolution, auquel Camus tient le plus. La révolution exige le dévouement à l'homme nouveau, qui n'existe pas encore, et entre-temps elle réprime les hommes existants qui, dans le présent, s'opposent aux représentants de l'homme futur. cela ne doit rien au hasard, si l'homme devient le genre humain, si l'espèce se trouve divinisée, il est évident que le fait de demeurer un individu, de faire face à la finitude de l'existence caractérisée par la pluralité d'opinions et d'intérêts équivaut à saboter la naissance de l'humanité. Rester un individu, c'est commettre un crime de lèse-humanité. Nous l'avons déjà vu, la minorité, c'est le péché, qui critique est un traître. Tournons-nous cependant vers une cruciale étourderie. Ceux qui propagent la critique, la division, donc la trahison de l'humanité, ne sont identifiés qu'a posteriori. La volonté générale, en effet, ne naît jamais comme telle. Il s'agit simplement de l'opinion victorieuse, celle qui s'est transformée en pouvoir. L'hérésie n'est que la vérité vaincue. Voilà pourquoi le bourreau et la guillotine sont les plus authentiques expressions de la volonté générale. Ils font en sorte qu'elle devienne une et qu'elle le reste. Ils permettent de mettre entre guillemets la liberté, la rationalité, la justice, la souveraineté, pour qu'elles ne deviennent qu'une seule et même chose et qu'elles s'identifient à ce que décide le pouvoir, quel que soit ce qu'il décide, mais surtout quelle que soit la personne qui sorte victorieuse de la lutte pour le pouvoir. En d'autres termes, la logique de l'hypostase et de la divinisation de la finitude se révèle n'être rien d'autre qu'une métaphysique du succès. Celui qui a gagné, parce qu'il a gagné, est loin du Seigneur et fait advenir l'humanité. Le succès est la preuve irréfutable que l'on exhibe devant l'unique tribunal d'un monde sans Dieu, mais qui reste imprégné par la logique religieuse, le tribunal de l'histoire. Et l'histoire prend ainsi un sens, elle est un mouvement dialectique que l'on ne peut arrêter, malgré ses détours, vers l'accomplissement de l'essence humaine, mais le sens de ce « sens » coïncide en réalité avec la volonté empirique du vainqueur. L'hypostase qui naît de l'horreur du contingent et du besoin de s'en débarrasser se réalise par la sacralisation d'une quelconque finitude empirique, contingente justement, que l'on érige en souverain, même provisoire. Quand l'histoire ou le genre humain se substitue aux individus concrets, à leurs actions libres et improbables car elles sont contingentes, c'est le triomphe des philosophies du conformisme et des doctrines de l'obéissance. Chez Hegel, c'est le fait accompli, chez Marx le fait à venir qui est déjà inscrit dans le présent comme contradiction dialectique dont l'aboutissement est inéluctable, chez Nietzsche le fait éternel, l'instant cyclique de l'ordre cosmique. Nous sommes face à des philosophies qui ont toutes trahi la révolte pour se conclure par un grand « oui ». Le diagnostic de Camus est donc loin d'être banal. Ces philosophies remplacent Dieu par une nécessité aux modalités très diverses, mais la structure et les conséquences des deux sont analogues. Faire de la nécessité une extase, comme chez Nietzsche, faire de la nécessité la raison, comme chez Hegel, ou l'avenir, comme chez Marx, cela reste faire de nécessité vertu. Ce qui s'est passé, ce qui va se passer, le produit des actions humaines, tout cela est sanctifié, rendu nécessaire, universel. Toute considération morale disparaît. Tout est licite, tout est juste, pourvu que ça réussisse, que ça se traduise dans les faits. La défaite est le sceau du mal. Fin de la septième partie. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.